réjouis-nous tes jours, je marche en pleurant. Thank you. Dieu soit loué pour sa fidélité. Même quand nous serions infidèles, Dieu demeure fidèle. Il n'oublie aucune de ses promesses. Il n'oublie pas ses enfants. Dieu est conscient de ses responsabilités. Son amour est sondable. Son amour est parfait. Que son nom soit béni. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Le plus élevé de tous les noms. Le plus grand de tous les noms. Le nom suprême. Le nom incomparable. Et invincible. Le nom qui nous sauve. Et qui nous change. Le nom qui nous fait progresser. Et qui nous accorde la rédemption. La totalité c'est le nom même du réveil c'est le nom même du message c'est le nom même de la divinité c'est le nom de l'alliance le nom de la paix le nom de la justice le nom du succès le nom de la gloire. En toi, Seigneur, nous avons tout. Et nous te prions maintenant d'être présents ici. Notre foi confesse que tu es là. Honorer notre foi. Mais ne nous laisse pas dire des choses. Et toi, Dieu, tu ne peux pas confirmer. Laisse-nous dire des choses. Et tu vas confirmer. Tu es lié à ta propre foi. Tu es lié à chacune de tes foi. Seigneur, sois notre force. Sois notre victoire. Tout le chemin faisant. À chaque front, chaque bataille. Relève les défis. Confonds les démons. Que les projets de sorciers soient détruits. Que les puissances de fausses soient détruites. Que les trônes des démons soient cassés. Il y a la main forte qui est en train de se faire. Il se fout le fidèle. Lève ta droite. L'ennemi se disperse. Les maladies reculent. Que la guérison jaillit. Que la bonne santé soit restaurée. Que la joie soit dans nos cœurs. Que ce soit notre force. Envoie l'évangile. Nourris-nous ça. Change-nous en profondeur. Nous voulons être comme ça. Nous comprendre les choses de Dieu, la loi de Dieu, le message de Dieu, les missions divines, comprendre l'esprit de l'île, la mission promise pour nous, que nous puissions l'identifier et la maîtriser. Au nom de Jésus-Christ, nous te confions la prédication de Dieu, que tu agrées tout ce que tu as pour ta propre gloire, sous les saints de la nuit, montagne du sang qui coule tiré de veines de mes mains les pêcheurs ôte les iniquités ou remplis blanc que la neige contrôle les de la gloire en ce nom de Jésus-Christ Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans le même trois endroits en guise de témoignage. Malachie chapitre 4, verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et Matthieu chapitre 17. Nous prenons le verset 10 et 11. Matthieu 17. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune Jean, parce que vous êtes fort, et la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le mal. Quel énigme! Prêcher l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressuscité de mort le troisième jour après sa mort, le troisième jour après sa mort, identifié le même dans tous les âges. Il est toujours vivant et aussi fidèle, et il est amour. Bienvenue à cette table de méditation. La table du Seigneur. Ok, nous avons examiné la commission de William Branham. Et dimanche passé, nous avons pensé que ce serait fini. Mais le Saint-Esprit montre que ce n'était pas fini. Pour cette étape ici, il nous a encore entretenu pendant la semaine avec de la matière relative à cela. Le nom du Seigneur soit béni. Mercredi, nous nous sommes entretenus autour d'une petite pensée de méditation. Retenir, soutenir, maintenir la vérité de l'Évangile. Je lis aussi pour que la technique puisse mettre ça là. Je vois que c'est autre chose que ce que nous disons. Retenir, soutenir et maintenir la vérité de l'Évangile. C'était mercredi. Dieu nous a aidés à mettre la vérité sur la vraie date de la commission, la première commission de William Branham, la commission principale. Et rattaché à la promesse principale de Malachie. Notre temps de la fin. Alors le jeudi, notre méditation tournait autour des brisements et des louanges que nous devons à Dieu. Des brisements pour progresser et les louanges que nous devons rendre à Dieu. Les choses qu'il fait dans nos vies. Il nous permet de connaître dans son programme. Alors vendredi, nous sommes revenus sur la méditation intitulée Nous vivons de nouveau au temps prophétique de l'Éphèse. Branham nous l'a dit clairement. Nous vivons de nouveau. Nous vivons au temps prophétique de Samuel. Et nous avons rappelé en passant que le livre de Josué est comparable à l'épître de Paul aux Éphésiens. Josué était celui qui a pris place après le départ de Moïse, un grand messager. Et les Éphésiens prennent place après le départ d'un grand messager. Béni soit le Seigneur. Et nous avons vu là que le messager lui-même qui vient, le messager que Dieu a envoyé, est un Éphésien. Et si vous commencez à attaquer les Éphésiens, vous minimisez, vous dites qu'ils n'ont rien à faire, et le messager aussi n'a rien à faire. Là, vous dites selon que la parole, vous dites les voix du Seigneur. Mais comme on est écrit, mais qui a la folie de... d'obscurcir les desseins. Il a écrit son plan clairement et il l'exécute fidèlement. Les individus là qui s'élèvent, il permet les troubles et la confusion dans les desseins de Dieu à cause de leur prétendue connaissance, les connaissances théologiques et particulières. Ceux-là qui ont cette folie, nous devons quitter nos propres voies pour venir dans la voie du Seigneur. Chacun doit abandonner sa propre voie pour emprunter la voie du Seigneur. Chacun doit abandonner ses propres pensées pour prendre la pensée de Christ. Chacun doit abandonner ses propres paroles pour prendre la parole du Seigneur. Sommes-nous prêts à ce brisement-là? Il faut que nous soyons prêts. Sinon, nous n'allons pas progresser. Oui, que Dieu soit béni. J'aimerais vous lire encore une chose. Quand Banam est parti, mais il avait des souhaits, des grands souhaits. Un grand souhait pour ce message. Un désir profond. Oh là là. Avant qu'on entame la méditation de ce matin, je voudrais que vos esprits soient bien aguerris. Parce que nous allons naviguer, Dieu voulant, dans les Écritures encore. Hein? Voyager dans les écoles. Et quand nous commençons l'envol, alors nous avons des ailes rigides. Hein? Et c'est mieux que nous ne pouvons pas ressembler au paon. Il a pris les ailes d'aigle qui s'est greffé ça là-bas. En plus, on commence à devant les tempêtes et les pressions du temps. Les plumes commencent à tomber les îles. Et il revient à ses vraies plumes naturelles. Il tombe à chute libre. Il commence à regarder les aigles s'envoler plus haut. Il dit, ah, ça vous salit bon, on a peine à le monde à bino. Mais tu es déjà en bas. L'impongo avance, toi tu es en bas là-bas, KO, peut-être les pattes cassées. Oui, oh miséricorde. Voilà. Alors, lisons un peu Frère Branham, parce que nous vivons au temps des Éphésiens. C'est ce qu'il disait ici dans l'adoption du 22 mai 1960, le soir, au paragraphe 7. Et je vois ces jeunes gens qui se lèvent comme frères Parnell, ici, et Frère Willard, des jeunes gens qui se lèvent. Et les autres, là, qui se lèvent des jeunes gens. Alors que moi, je prends de l'âge. S'il y a un lendemain, ce sera eux les hommes de demain. S'il y aura un lendemain, ce sera eux ces jeunes gens. Frère Parnell, un ministre, et les autres, la liste n'est pas exhaustif. Voilà, mais il y a Frère Jackson, s'il y aura un lendemain, Abraham, je me fais dire. S'il y aura un lendemain, ce sera eux les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu pour ce temps-là. Où William Branham ne sera plus. Est-ce que vous résistez? Il y a un lendemain. Ce jeune là qui s'élève. Vous suscitez ici et là. Ce sont les hommes de demain. Je prends de l'âge. Et s'il y a un lendemain, ce sera eux les hommes de demain. Je ne veux pas que ce message meure. Jamais. Je ne veux pas que ce message meure. Jamais. Il ne le peut pas. Si quelqu'un espère, compte sur la mort du Christ pour se faire populaire, qu'il se détrompe. Son message ne mourra jamais. C'est le message de vie, le véritable message de vie. Qui vivifie tous ces filles. Qui change leur comportement et leur vie. C'est le message de leur présence. Le messager ne voulait pas que ce message meure. Moi aussi, je ne veux pas que ce message meure. Et il ne le peut pas. Il ne mourra jamais. Comme a dit Frère Branham, rien ne viendra à la vie en dehors de ce message. Semez ce que vous voulez. Croyez tout ce que vous voulez. Entrez aux églises comme vous voulez. Changez les églises comme des tricots. La vie, ce qui doit être vivifié, ce n'est pas toutes ces théories que nous sommes salis. De nouvelles théories, de nouvelles commandes, de grandes règles, de groupes de filles. Nous avons saisi la révélation. Toutes ces théories-là vont mourir. Mais le message de Dieu pour ce temps, on ne peut jamais mourir. Et si vous voulez que les choses que vous portez en vous, comme doctrine, comme œuvre, comme acte, comme nature, comme comportement, si vous voulez que ça vive éternellement, il faut que cela vienne de ce message. En dehors de ce message, rien ne sera significatif. Fabriquez vos groupes de prière. Vous fabriquez vos églises, ça est sur le message. Vous fabriquez vos propres guides. Vous faites la vie. Vous faites la vie. Vous faites la vie. En dehors de ce message, rien ne sera vivant. Celui qui a des oreilles pour entendre, c'est celui qui veut être sérieux avec son âme. Sachez que ça ne changera pas. En dehors de ce message, rien ne viendra à la vie. C'est que vous, frères, vous, sœurs, ne vous permettez pas de croire n'importe quoi. Ce n'est pas le message. Refoulez ça. Quelques systèmes même de référence. Que Dieu du ciel a ordonné à son prophète. Enregistrer la parole. Pour qu'il y ait des références. Que vous ne puissiez pas avaler des histoires parce qu'un tel a dit. Parce qu'il a philosophé, il trouve. Prenez ce que le message dit. C'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a le Saint-Esprit. C'est là qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'il y a le sceau de Dieu. C'est là qu'il y aura l'enlèvement. C'est là qu'il y aura la résurrection. C'est là qu'il y aura la transmission. C'est là que le soleil de la justice reviendra pour les croyants. C'est là que la guérison soudaine. Là où sera le corps, c'est là que s'assemblent les corps, c'est là qu'il y aura l'enlèvement. Bon, nous ne fabriquons pas. Luc 17. Luc 1. Je veux l'ambiance de la maison de Dieu. Luc 17. Vendredi, on n'a pas lu ces deux versets. Aujourd'hui, comme ça revient, Luc 17, verset 34, que le Seigneur lui-même parle. Toboy ba théorie abat. Non, le Seigneur lui-même parle. Luc 17. À partir du verset 34. Allons-y. Je vous dis, en cette nuit, de deux personnes seront dans un même lit. L'une sera prise. C'est l'enlèvement, non? Oui, vous connaissez. Avançons maintenant. Deux femmes. L'une sera prise et l'autre laissée. N'est-ce pas que c'est toujours l'enlèvement? Oui, vous connaissez. Être pris en haut. L'un sera pris et l'autre laissé. L'un sera enlevé et l'autre laissé. Parce que ce moment, enlèvement veut dire être pris en haut. Être pris en haut. Être pris en haut. L'un sera pris. Non pas pour jamais. Un homme aussi a été pris. Non pas jamais. Et il ne fut plus. Mais à la qui fut. Et ici les deux femmes. Ah, on a pas fait parler. Ils voudront ensemble. L'une sera prise. Non pas pour jamais. Et l'autre laisse. C'est mon sens à côté de là. Verset 36. Tu connais ça, tu l'as noté bas. Les deux hommes. D'après la Bible, les événements qui sont annoncés, ils se passaient où? La grande église catholique, même, la grande église missionnaire baptiste, c'est les pentecôtistes, c'est les cadécos, la communauté des assemblées. Dans l'église de Bima, vivez que le Seigneur répond. Attention. On a annoncé l'enlèvement. Où est-ce que cet enlèvement se produit? Le Seigneur lui-même répond. Les disciples lui disent, où est-ce que le Seigneur? Makamoyo, makosale makawapi. Yebi sabiso, tali sabiso. Tomi yebe la. Makamo mayo sakoli wana. Oyo asala, enlepe, moussou soatikala. Ma pika moko, moussou soatikala. Eko saleme la, wapi. E yanu yangoy. E il répondit. Mende, aubina, bango ete. Là où sera le corps, la salle. Ma kambo mana, ma kosale makawapi. Kolo apese ya no koloba. Visikan zote kojala. Mi pay wana ne bampongo da koyangana. Mbe sika wana. Kone polama e kosale. Sofi osana yo kunate. Oko participete. Oko kendete. Oko tigala na yo. Il faut se retrouver dans le rassemblement. Là où les aigles s'assemblent, l'un d'eux, au milieu d'eux, va avec eux, associe-toi avec eux, entrerons ces jours-là, lorsque les saints entreront. Seigneur, je veux être de ces nombres, mon Dieu, lorsque les saints entrent, ou quand les saints, ou les saints de Dieu entreront. Ces jours-là, lorsque les saints entreront, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entrent, ekoko tabasa koko tabasa koloka tena tala tena ekoko tabasa ekoko ta koko tabasa ekoko ta Un jour, le 18 juin 1933, un dimanche à 14, il y avait aussi des frères et des sœurs comme nous, autour de la rivière Ohio, aux États-Unis d'Amérique, dans la ville de Jefferson. Au rebord du Jourdain, jamais tiens mes yeux se portent. Et Frère Brenham appelle ça le cantique de baptême. Quand les gens s'engagent, ils prennent le baptême de l'honneur Jésus-Christ. Les témoins de Dieu chantent. Il y avait des milliers sur le monde. Au rebord du Jourdain, jamais tiens mes yeux se portent vers le beau pays des Canaans, où se trouvent mes trésors. Moi je vais à la terre promise, je vais à la terre, oh celui qui veut, oh, il veut venir avec moi. Avec moi, je vais à la je vais aimer ça, à tes promises, je veux à tes promises. Voilà, comme ça. La première personne, et tout a poussé là. Et elle se tient au-dessus de Branham. Et elle est une colonne de Kobana. Il a bougé encore un peu. Le jour qui était lisse. Comme à l'époque à la piscine de l'école. Avec la même chine. Le Dieu qui établit les gens. Visitant son peuple. Visitant son petit cousin. Faisant grâce de lui encore. Alors il pousse. Les hommes. bouge. Il se met en mouvement. Il monte au-dessus du pont. Et puis il prend la direction de l'île. Et vers le soir, la lumière paraît. Il y a des yeux pour voir. C'est celui qui a initialement dit ça. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui a plus résisté. Il a tellement la qualité de se faire. Il a fait la sécurité. Il a fait la sécurité. Il a fait la sécurité. Il a fait la sécurité. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé au matin? La parole va au prophète. Il va au lieu et pas une amour. Pouvez-vous remarquer la même chose? Le monde a reconnu que l'homme en 1935. La parole du prophète dans le pendant que le prophète était dans la parole du père est venu à son prophète. Il est venu à son prophète. Il est venu à son prophète. Que celui qui a laissé pour voir. Que celui qui a indiscerné ma parole. Et le même chemin s'engagement. Dieu identifié dans ce moment. J'aime entendre un vibrant amen. Donc Dieu nous connaît. Dieu nous considère. Dieu a de l'égard pour nos petits enfants. Et il leur donne une place. Comme des pions dans un jeu de dames. Porter son message jusqu'à la bénédiction. C'est un message immortel. C'est la même parole qui est prononcée. Nous allons la porter dans le monde entier. La même parole. Avec le même signe. Le même prodige. Parce que c'est le même message. La même foi. Pouvez-vous croire? Que Dieu reste Dieu. Il guérit toute maladie. Il fait les choses phénoménales. Oh. Sachez qu'il est Dieu. Hein. Il fait des merveilles sans nom. Pour ça, la vie parfois que Dieu nous pardonne, parfois nous-mêmes nous. Amen, amen. Madame Sousa, elle peut ça, hier, je suis allé rendre visite à un couple. Il y avait un cas, et puis on m'a rappelé, ça fait des années, il y avait telle personne, il avait un cancer qui poussait dans sa cuisse. Il est venu prier pour ça. Si ça n'a pas traîné, la chose a disparu. Moi? Oui, les deux témoins disaient, je ne te rappelle plus. Oh Dieu. Lambe. Il est merveilleux. Il fait des merveilles sans nombre. Donc, parfois, nous oublions ces personnes. Hein? Cette soeur-là qui avait l'hémorroïde. Donc, moi, ça là-bas. On a dit, élevez la main parce que vous êtes malade. Oui, oui, senti une chaleur pendant la nuit. Pendant qu'on prie, une chaleur est descendue. Elle est allée s'établir juste là où il y a. Elle est allée s'établir juste là où il y a. Elle est en live. En direct. Ici, même à l'église. Ah, voilà, c'est ça. Et après ça, il ne peut périr, mais s'est installé dans la vie. Notre Dieu est un feu de bois. Il est capable de consumer la maladie de sa vie. Il peut brûler sans direct. En direct, oui, à tout le monde. Amen. Amen. Et depuis là, tu as la paix pour tout. Nous guéris parfaitement. Les choses merveilleuses. Amen. Il est libre dans sa vie. Il est un Dieu puissant. Ton message ne peut pas mourir. Le départ du prophète ne peut pas mourir. Le temps des miracles n'est pas passé. Quand on a vu ça, nous sommes quittés. Amen. Il fait encore des miracles. Rien ne résiste à la prière. Et le côté, c'est le même. Pas le cancer. Attends, nous sommes cancer. Nous croyons la superbe. Nous croyons la superbe. Nous croyons la superbe. Rien n'est impossible. Et le côté, c'est le même pour faire les mois. Je veux que tu croyes de tout ton cœur. Le message ne mourra jamais. Le message de vie. Le message de puissant. Le message de puissant. Le message de puissant. Le message de puissant. Le message de puissant. Le message de puissant. Le message de quand l'ange est descendu dans l'eau, quand on voit Jacques on a les mots de l'Église, on a les mots de l'Église, on a les mots de l'Église, on a les mots de l'Église, on a les mots de l'Église, on a les mots de l'Église, on a les mots de l'Église, on a les mots de que la gloire du Seigneur rayonne sur ce monde. Parce que tu as le foyer de la mort. Tu as le même nom. Il faut que la même gloire. Il faut que tout le monde soit ensemble. Il en confie à ça que tout le monde est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de vous souvenez de cet enfant-là qui avait le problème de rein? Vous sacrifié par l'ami de son de saint-père. Ici au-dessus. Ici. Ma bengi biso ne peut pas l'église là. Ma toubilise la bisoté. Mon frère qui passe, est-ce que vous pouvez venir? Ah, non, moi je vais parler à mon pasteur. Vous ne voulez pas pasteur sera conduit. Ce qui a coûté, nous sommes à et Dieu vous a fait grâce, il nous a conduit. Jean, mais ça, nous allons attendre aussi de vous. Ils allaient m'a conduit là-bas comme ça. Alors, nous allons faire trois jours de prière. Nous allons faire trois jours de prière. Premier jour, on a prié. Nous allons faire trois jours de prière. Troisième jour, on a prié. Je dis, c'est fini. Avec c'est que la prière est finie. On est le troisième jour, le deuxième jour. Nous allons faire trois jours de prière. C'est lui qui avait déjà sacrifié l'enfant. L'occultiste, là, l'ami de son père. Sa maison a pris ses séances tenantes. Il faut aussi clôturer prière à Wakunanda, qu'on est mystique. Mystique. Mystique, il y a un bétail. Amen. Amen. Le Dieu de l'île, c'est le Dieu de Branham. Il y a un frère de Branham. Il y a un frère de et là-bas, à la rivière royale, c'est un feu. Oui, à Bimia Live, où c'est le colo, un feu. Moto. On a des feux. Le conduit la moto. En plein jour. Voilà, la moto, le même Dieu l'a continué à exister. Avec le même si, la le même caractéristique. Le vital, c'est le moto. Il y a foi que Dieu fait tout. Voilà, la conduite des âmes va continuer. J'aime que les croyants croient. Amen, amen. La ligue te va nous vendre ma pendule. Je ne pas de question. Je ne sais pas de question. Je ne sais pas de question. Je ne sais pas de question. Amen. Alors, on a raconté des choses là-bas. Oh, soit avant les 30 juin, soit après les 30 juin, les choses vont venir à Kinshasa. Nous allons venir planifier. Nous avons le contrôle de cette époque. Je vous dis que ça ne s'est pas fait là. Viens les mêmes frères, la foi contre les choses. Tant que nous sommes ici, c'est pour cela que nous courons. Ma tasse pour les fumées, les droits de passage. Nous avons dit, yes! Pour le lycée. Nous disons roi. Vous allez pour le matin. Je ne veux pas faire une retraite de prière. Voilà la confiance que bon après ma prière. Non. Dans le mystère. Pas venir. Non. Vous pour le matin. Ça ne va pas lieu. Vous pour le matin. Élie s'est levé un jour, hein. Et le Seigneur m'a dit, ce qu'il a dit. Oui, le matin, il dit. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Alors, Dieu, qu'on fasse la matinée, la chèque d'eau. Amen. Le Seigneur m'a dit, Ngaï, Ngaï. Non pas, je ferai un jeune de femme. Alors, monsieur Ngaï, il a compris, là, mon programme. Ma foi refuse ça. Alors, Dieu, qu'on fasse la matinée, toi, Yango. Amen. Ma foi refuse ça. Ngaï, Ngaï, toi, Yango. Je suppose que quand on a banga banga, vous pouvez vous faire dans le quel risque? On n'oublie pas moi. Vous ne savez pas comment il y a. Jamais. La zone n'a pas été. Amen. Amen. Amen. L'église est la puissance. Et que qui secoue. Vous allez prendre du sang. Amen. J'aime voir une foi debout. Amen. Allez, comme nous, on a prendre une foi debout. Amen. Une bande de pauvres. On est tombé à la banque. Il a peur de parler. On vient à la banque à Colomba. Comme il est servi dans la Bible. On va faire ta Bible. J'ai la foi. Vous allez prendre du mal. C'est pour ça que je parle. Et on va aller à Colomba. Amen. Exprimez votre foi. Et Dieu a dit qu'il ne vous confondra pas. Peux-tu faire comme moi? Quel que soit le problème en face de vous. Dis. Et ça qui pessimise Mathieu. Mais c'est la position de la foi. Il y a un comme monsieur Soyeye, la gabisson pas, beau bisson mon condé, dit les malémas, petit qui a voyé. Zambalobi ne donnait pas accès au diable. On fait sans pour le que tu as la proximité. Amen. Oh, il y a bon matin. Bon, je dis, ça va lui au et si ma faire ma sacrifice, va qu'on réussir. Va amen. Amen. Amen. Nous refusons cette liberté. Allez, va au Christ, bon yoga. Là, on a le sous le soleil. Vous ne réussirez pas. Nous voulons nous préparer au retour de Christ. Nous ne voulons pas de troubles inutiles. Tout le monde est dans les dents et les distractions. Vous avez aussi un faible troupeau qui se fait. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. N'ayez peur de rien. Dieu est contre toi. Toute la situation de ta famille. De ton couple. De ton travail. Amen. Amen. Et sous les regards de Dieu. Amen. Dieu sait ce qui se fait. Dieu sait ce qu'il y a. Amen. Amen. Miséricorde. Hein? Ayez foi, hein? Vous avez un dit maintenant, pendant qu'on dit, oh non, bah, pour le pastari bongo, pour bas soldat, bas soldat, nous sommes élite, bas force spéciale qui est de l'Est, comme ça, bas aussi, le plan de mission de Kinshasa. Tous fendés, bis de Transco, viennent de partir à l'aéroport, avec des militaires en direction du Nord-Kiv. Vous allez comprendre beaucoup, là, dans Nord-Kiv. Tous fendés. On a tout comme tout bas, dans Mibale. Vous aimez ça? Amen. Son message ne peut jamais mourir. Il y aura un peuple pour le croire. Et nous continuerons à les croire. Continuons avec Frère Branham. Vous savez déjà où l'enlèvement aura-t-il lieu? Dans le message à Yahwa. Amen. Jamais. Jamais. Amen. Amen. Kakawa. Ti ko vivre dans l'enlèvement à l'aïe. Kakawa. Ti kaba fingi ba pinga. Ti kaba choli ba chola. Ti kaba seki ba seka po ba ye bite. Ika ba fingi ba finga. Ika ba seki ba seka. Ika ba choli ba chola. Po ba ye pite. Oh, alléluia. Alléluia. Kembona ye. Alléluia. Yeso akozonga. Obanda sonza ya moko. Mogo. Ino soka na mbola mbola. Kolembate yeso akozonga. Kobanda sanza ya moko janvier, non soka na mbula décembre, tembate yeso a kozonga. Oh alléluia, alléluia, kembona ye, alléluia, yeso a kozonga. Oh alléluia, alléluia, kembona ye, oh alléluia, yeso a kozonga. Je suis joyeux de ça. Problème n'a pas dit que notre seule espérance. Si on reste dans ce monde, que personne ne nous retire de ça. Que personne ne nous détruit de ça. Tout ce qui nous reste. Jésus revient. Nous nous préparons. Nous et son message ne mourra jamais. Tu as aimé la vérité. Abasso encore. Je ne veux pas que ce message meure. Jamais. Et il ne le peut pas. Il doit continuer. Et je ne crois pas qu'il nous reste encore beaucoup de temps pour la police. Oui. Cette génération qui s'élève. Des jeunes gens. Il n'y a pas de beaucoup de temps. Un message urgent. Le courage va nous battre. Sango nous pousse. Et nous sommes au message. On n'a pas beaucoup de temps. On attend au mingi temps pour bondir. On a pour la porter. Attends pour la première main gauche. On peut l'entendre. Dans son corps par exemple. Profite quoi les directs. On a salon en bas on fait demain. Profite quoi directs. On a un dimanche en bas par la moto. On met ça au travail. Mais ça, mais ça pas de mon salon. Pour le salut de ton âme. On a le but pour mon âme. Vous aimez? Oui. Très important. Elle n'a monté un mingi. Dans les sermons de ce moment. Elle était à l'autre temps là. Du 15 avril 1900. Tout ce que j'ai désiré être. Quand j'ai vu l'assemblée. L'église de Dieu. Les pèlerins et différents groupes. J'aurais voulu être sur le point de dire ce matin comme Simeon. Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller. Après les avoir vus d'un seul cœur, bien unis. Alors il a dit, j'étais sur le point de dire, comme Simeon, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller. De voir les églises bien unies. D'un seul cœur. Bien unies. D'un commun accord. Si Satan vous maintient dans un état où vous tirez sans cesse, il n'aura pas du tout à tirer. Donc si vous mettez dans cet état-là, vous continuez à tirer sans cesse les uns sur les autres. Vous allez Satan va tirer ses guides. Il va se récréer. Il va se récréer. Vous voyez? Vous ne faites que vous critiquez vous. Vous ne faites que vous critiquez. Et ça c'est le diable qui vous fait. Amen. Votre frère et votre soeur. Vous n'avez pas à les critiquer. Vous devez prier pour lui. Vous savez que bon de la prendre. Amen. Et vous ne faites que vous critiquez. Et quand je verrai cette glorieuse église de Dieu, qui est rachetée, s'unir comme une grande unité, je fermerai alors ma Bible. Et je la remettrai à mon fils Joseph. Et à Billy. Et je dirai, continue mon fils. Et puis, mes autres enfants, mes fils, Qui sont ses autres enfants? Il a cité Joseph. Il a cité Billy. Qui étaient ses deux fils, les deux garçons. Biologiquement, les deux. Il dit, et mes autres enfants? Là, ce n'est pas la biologie. Mais c'est dans l'évangile. Et mes autres enfants, mes fils, allez donc de l'avant. Et restez juste comme cela. Le millénium commencera quand cela aura lieu. Que nous parvenions à être unis. Que nous cessions la vie de critiques. Au moment de Komoko, ami Pesse Moussala, que tu as un millénium. A l'invité et soya. Fais un suspect, celui-là. Nous sommes tous les membres de la mission. C'est de l'acide sulfurique dans c'est du poison qui détruit l'onction. La bonne ambiance spirituelle. Je suis découragé, désorienté, parce que ma cambozole, en commettant des péchés, masumu, en critiquant ka, des diablotins. L'église de Dieu triomphera. Le message ne mourra jamais. En face. Tandela y a ma quatre vérités évangéliques en face. Voilà, Pasika. Toi, il n'y a pas, il y a ma critique dans ma communauté. Alors, on va vous assembler. Toi, il y a une bossante pour y assembler. La sanctification, c'est que Dieu fait parmi nous. Vous voulez savoir, on est assemblé, il y a quatre habitants. Je commence à dire, et frère, je n'ai pas tout à l'heure, fait que je vois, on est pas fait. Il y a un problème. Je n'ai pas le passé par chez mes âmes. Vous savez où ça va faire? La Bible dit prier sans cesse. Toi, tu es la personne. Je n'ai pas le sommet de la guillemot. Arrêtez ces distractions. Nous devons prouver ce que nous sommes. Où nous sommes des dieux, où nous sommes des Satan. Nous sommes des dieux. Et ceux qui sont des dieux nous écoutent. Amen. C'est comme ça, non? Vous allez bon goût. Parce que nous devons pour bénéficier certainement. Et va tomber, va quitter monsieur Macam. Il y a une prédication comme orientée. Le putain n'a yo. Sol n'a yo. Dans la gamme de mieux, il aura pété. Amen. Tout le monde compte que ma distraction en Italie. Tu dois prier la parole. Mais ça, j'ai beaucoup vous passé. Nous avons besoin de tirer sur le physique. Oui, à côté d'un assemblée à message. L'église à message. Aujourd'hui, à côté de ton gars, ma commérage, ma chichi, ma médisance. Sommes-nous là? Amen. Faisons vivre le message. Que la vie de la parole soit notre vie. Bande comme une balle, bakoutani, prière nan. Yogo, y'a kakati. Eh, frère, vous avez là? C'est quel genre de frère et de soeur qui se rencontrent comme ça? Bah, ça me regarde. Vous écoutez, non, bien aimé, le monde, il y a sang, malamouille. Même pas un mot de prière. Nous prions même au bord de la route. Amen. Je me souviens un jour, frère Simbambonga de Gizambouete. Il était le passage du centre. Nous avons prié notre Dieu bon de la kinzame, la pour la grâce qui nous a tourné. Bon de la sa de nous voir. Êtes-vous capable de faire ça? Vous qui nous a quoi ça y est. Message aux anarchistes. Amen, amen. Il n'y a pas un message pour les gens de village, un message pour les gens de ville. Oh, na kinja pa, tous les gens de l'ingé, na biso, bino pas tombo, wane de boutana ba, ba te le moko boui, na ba de paye moko boui. Il n'y a pas de message. Il y a quand même message. Avec qui ça produit la lettre. Nous, comme il y a Kinshasa, ou comme frère à l'Okuta, ou comme ça, quand il y a matin au soir, il y a un embouteillage. Embouteillage, ça s'en va. Ou fané les gars, nous sommes là pour poser les magas. À saluer le côté. Ou fané, on va mettre, oh, on a quand même un embouteillage. Nous, on peut faire une salle, on a quand même un embouteillage. Donc les mensonges pratiques que tu as trouvés, au cours c'est la mauvaise macamou. Même toi, ça y est bon. Même quand tu es chez toi, en train de d'aller vers le couloir, parce que mon téléphone, le couta, le mensonge facile. Mais ça n'a pas bouchon. Voilà, on y a battu à Kitaka. Vous y arrêtez dans l'église, il y a mon salut à force manœuvre belle, après nous, embouteillage. C'est pas sérieux. Nous devons changer. Nous devons chercher, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, nous allons, comme j'avais dit, avant d'entamer notre message, on a pris un petit mot là. Nous allons dans la pensée de ce matin. La pensée de ce matin que nous voulons partager ensemble, c'est laquelle? C'est la double mission de Malachi 4. Nous allons essayer de créer qu'on appelle la double mission de Malachi 4. On a le Malachi 4. N'est-ce pas? On peut le relire. La double mission. Malachi 4, verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Israël. C'est un passage biblique. Comment comprendre ça? Qui peut nous aider à comprendre? Quelle école de théologie serait qualifiée pour nous? La question est pertinente. Quand il faut aller interroger les écoles de théologie, chacun ne donnera certainement sa version. Et quand vous comparerez chacune des versions, vous êtes souvent différent et contradictoires. Et quand vous avez soif de la vérité, vous resterez dans une force de confusion. Mais la parole est écrite. Qui en est l'interprète? Nani azali mulimbuli na yango. Dieu est son propre interprète. Mais comment habituellement dévoile-t-il les secrets de sa parole? Amos 3, verset. Amos, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, les prophètes. Qui devait nous expliquer cette chose? Il fallait un vrai prophète. Mais maintenant, la portion de l'écriture en question, elle annonce justement un prophète. qui est Élie. Ce qui ferait que quand ce prophète viendrait, il serait comme dans une position difficile. Si il doit en même temps expliquer cette position indépendamment de lui, et en même temps présenter à ceux qui peuvent l'entendre, à ceux qui peuvent le croire, que la mission en question est en train de se réaliser. C'est vraiment très délicat. Vraiment très délicat. Vous savez, des fois c'est facile de parler des autres, et de parler de soi-même. Quand on a un cœur humble, ce n'est pas aisé de parler de soi-même, et de l'identité que l'on est. C'est pas facile. La Bible elle-même a dit, mieux vaut qu'un autre te loue. Donc c'est une équation terrible. Parce que quand il va dire une chose dans un sens, les gens seront tentés de dire, ah, il veut se glorifier. Proverbe 27. Verset 2. Et non sa bouche. Amen. Un étranger, et non ses lèvres. Mais ici, une écriture prophétique datant de l'Ancien Testament. Et c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et qui va nous l'expliquer? C'est assez délicat. Lorsque Jean-Baptiste vient, et qu'on lui pose la question, c'est parce que lui, il était, la réponse qu'il donne, il ne renvoie pas à Malachi 4. Jean chapitre 1. Il est dit ceci. Jean chapitre 1, verset 19. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Verset 23. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ce que nous sommes envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et Jean dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Amen. Donc, l'écriture qui figure dans Esaïe, Jean déclare que ça lui concerne. Alors que, quand il était écrit, il n'y avait pas une explication qui était donnée. Il était pendant des siècles et des années. Donc, sache à quoi les prophètes disaient. Esaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et c'est cette écriture à laquelle Jean se réfère pour décrire ce que lui était. Il ne fait aucune référence à Malachi 4. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde le voit clairement? Il ne dit pas, comme Malachi a dit, je vous enverrai Élie le prophète, c'est moi. Rien dit. Bon, okay. Et il ne s'est pas trompé, il a dit l'exact vérité. Si vous pouvez le croire, dans un monde fait de générations différentes, qui a placé toutes les espérances à Moïse, le seul grand prophète. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui s'élève et il dit que Esaïe avait parlé de lui. Et il donne l'écriture avec précision. Non pas pour l'avoir étudié dans une école. C'est ce qui lui était enseigné par le Seigneur. Parce que Jean était un analphabète complet. Il n'a jamais foutu le pied dans une école. Dès l'âge de 9 ans, il est allé à l'école. Il a grandi là-bas. Et son langage n'était pas langage protocolaire. Il ne parlait que de connaître des arbres, des races de pipères, et des bandes de serpents. Il mangeait le miel sauvage, des chameaux. Il parlait de la connerie qui était placée à la racine des arbres. Et il disait que de ces pierres, Dieu puisse faire des arbres. Il n'était pas du tout un langage moderne. Il n'avait que langage de la nature. Il parlait des choses que les gens modernes avaient déjà compris. Mais malgré ça, il connaissait sa position dans les Saintes Écritures. Il connaissait le nom du prophète qui avait annoncé sa venue. Il connaissait avec précision la teneur des paroles prophétiques chez les prophètes. Et il a récité ça fidèlement. Il enseigne ses enfants. Il utilise ses services de façon illimitée. Vous voyez ce que Dieu a fait? Nous avons lu dans Jean là-bas, le verset 23. Et vous voyez ici, Esaïe 40. Et c'est un alphabète complet. Qui a dit ça à des gens sans qu'on nous préparait. Il y a un groupe de gens qui viennent. Prépare-toi pour que tu puisses les répondre. Comme les journalistes ont coutume de dire, ils viennent aborder les gens, interviewer les gens. Ils font ce qu'ils appellent la mise en bouche. Ils chuchotent des questions qu'ils vont vous poser. Comme ça, vous préparez la réponse. Vous évitez des réponses éparpillées. En langage journalistique, la mise en bouche. Comme ça, tant qu'on va poser Mituna, bon. Vous faites ça avec précision, pas gagner temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, donc tu dis exactement ce qu'il doit dire et tu passes. Parce que pour eux, ils gèrent les ministres. Est-ce que le temps, c'est l'argent? Le temps de l'antenne, c'est l'argent. Jean n'a été préparé par aucun journaliste. Il ne trouve pas son travail. Il a juste une délégation surgit. Et il commence à lui bombarder des questions. Et lui répond tic au tac. Il répond. Et quand il demande, mais toi qui es-tu? Non, moi je suis la voix de celui qui crie. Dans aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe. Mot à mot vrai. Alors Dieu est réel. Il est vraiment l'auteur de cette parole. Il peut la faire retenir même à un alphabète. Celui que le monde considère comme insensé. Certainement. Si la loi sainte du Seigneur, même l'insensé, Dieu tient cette parole. Esaïe 35. Ésaïe 35, verset 8 et 9. Il n'y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni l'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Balabala et Kozalawana, Zela Ponza, Eko Bianga Maete, Zela Nabore, Baoyanambindo, Bakole Kawana Te, Kasi Eko Zalapona, Bango, Batamboli. Et Ata, Bazo Bapenza, Bakubunga Yana Te. Sur cette route, pas de lion. Koya Kozalawana Te. Nulle bête féroce ne la prendra. Ata Yamana Yaouli Moko, Ako Kouta Nulla ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Dieu peut-il délivrer ses enfants? Quel que soit leur niveau intellectuel? On ne regarde pas tes diplômes. Dieu regarde sa promesse. Il délivre par la foi de son parole. Seulement et la délivrance viendra. Il sera toujours et tu seras délivré même le plus méchant. Tu seras délivré même de pièges les plus malheureux. Tu seras délivré même de combats les plus coriaces. Et tu vas pour te délivrer. Aïe la foi. Même si tu n'as aucun diplôme. Aucune attestation. Aucun certificat. Aïe foi en Dieu. Il ne pourra pas te garer. Ni échouer. Mais par la foi en Dieu tu réussiras. As-tu confiance? Voilà comment Jean a répondu. Il ne peut jamais référer à Malachie. Il a pris Ésaïe 40. Et quand vous prenez Ésaïe 40, en comparant avec Malachie 3, vous trouvez un rapprochement des pensées. Et vous le savez. Parce que ce n'est pas la première fois que nous abordions quand même ces choses. Malachie chapitre 3 verset 1 et 2. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui résistera debout? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, amen, comme la potasse de foulon. Son messager qui prépare le chemin du Seigneur. C'est le même que dans Ésaïe 40, verset 5. Cette fois-là qui criait, préparer le chemin du Seigneur. C'est la même personne. Et Jean-Baptiste dit que c'est moi. Et cette écriture-là, c'est moi. Ce n'était pas facile pour lui. Mais il devait le dire, parce qu'en dehors de lui, il n'y avait personne capable de l'unifier avec le président. S'il l'avait pas fait, il allait continuer à être un verset biblique, toujours la compagnie. À l'infini. Quelqu'un devait briser le secret. Et c'est ce prophète Jean-Baptiste. Maintenant dans Malachie 4, avant que ne vienne le jour de l'éternel, un jour grand et redoutable, il a promis un élu prophète. Et Jean-Baptiste, savait que lui n'est pas venu avant les jours de l'Éternel. Il ne préparait pas les gens à la colère qui venait. Mais il les préparait à croire à celui qui venait. Jésus-Christ le Messie est venu pour la première fois. Êtes-vous là? C'est ainsi qu'il s'est placé là où Dieu a voulu les mettre. Mais pourtant, dans Malachie 4, il y a une double mission. Et c'est de ça que nous parlons encore. Je sais qu'il y a trois semaines que nous étions en train de parler ici. Mais il faut revenir pour lever les coups. Il faut bien voir la double mission et la signification. Ici, Frère Branham, on lui a posé une question. Écoutez. D'accord. Question-réponse numéro 4. Du dimanche 30 août 1964. La question 424. Dans Malachie 4, cet Élie doit ramener le cœur de père aux enfants. Et puis le cœur des enfants au père. Est-ce la même personne? La question est posée à Frère Branham. Une telle question n'a jamais été posée à Jean-Baptiste. Nous avons les écritures pour lui. Ça lui avait été posé pour mettre la parole. Jean-Baptiste, on a juste demandé, toi, qui es-tu? Que dis-tu de toi? Maintenant, on demande à Frère Branham dans notre pays. Dans Malachie 4, l'Élie là qui est promis doit ramener le cœur de père à leurs enfants. Et puis le cœur des enfants à leur père. Question. Est-ce la même personne? Avez-vous compris la question? On veut savoir parce que quand vous lisez Malachie 4:5, surtout le verset 6. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Tout cela s'applique à il. Et puis il le fait en question. On remonte au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Qui doit faire les deux choses? C'est Élie le. Maintenant on pose une question à Frère Branham. Ne négligez pas s'il vous plaît. Ne prétendez pas connaître le prophète. Oh mais soyez bien déjà pourquoi vous. Voyez bien nous bien. Quand vous osez faire la bâtir. L'Écriture dit Élie le prophète. Élie le prophète, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et en conjonction. Et le cœur des enfants à leurs pères. Si votre père ne veut, Élie le prophète. On demande maintenant Frère Branham. Est-ce la même personne? Si vous êtes superficiel, vous allez vous dire c'est une question bête. Pourquoi vous allez le prophète? Mais c'est la même personne. Écoutez aussi la réponse de Frère Branham. Écoutez bien. Comment il va répondre? Peut-être que tu peux glisser aussi comme lui. Paragraphe 157. Jusqu'au paragraphe 160. Réponse à cette question. Réponse. Oui. C'est la même personne. Tu fais les deux. Oui. C'est la même personne. Toi qui prétends connaître. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Avance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter au milieu d'une citation. Oui, c'est la même personne. Avoir cette façon de répondre. En comparant le verset 5 et le verset 6 de Malachie 4, c'est facile de dire la même personne là, c'est Élie. C'est Élie. La personne d'Élie promis. C'est cette personne-là qui doit faire les défenses. Ramener le cœur de père à leur enfant. Et ramener le cœur de sa soeur à leur enfant. N'est-ce pas que c'est toujours Élie? Élie n'est-il pas une personne? Élie a-t-il bototé? Bon, vous, vous pensez connaître, non? Maintenant, on vous dit que c'est la même personne. C'est la même personne. Et selon la Bible, c'est Élie. Pour l'année la Bible, il y a Élie. Qui fait les deux. Alors, Élie, le prophète. Élie à Moussa Koli. C'est Élie le prophète qui ramènera le cœur de père à leur enfant. Et qui ramènera aussi le cœur des enfants à leur père. D'après la Bible, c'est Élie le prophète qui fait le cœur. Est-ce la même personne? Est-ce la personne d'Élie le prophète qui selon la Bible doit faire les gens? Vous ne répondez plus? Comment est-ce que position? Est-ce la personne d'Élie? Qui s'observe un silence dans la salle. On a qui mis Alika Sinatika. Étudions sa caméra. Avançons encore avec ça. Oui, c'est la même personne. Très bien. Il dit même très bien. C'est la même personne. Très bien. Oh, attendez un instant. Non. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Pas si mingi. Non! Habité. Pardonnez-moi! Je suis désolé. Pasi Pinda, Bolimbi Sangaye. Sali Bungana Sali Mabé. Ok. Je pense que nous allons connaître. Bandi Tokoyeba. Voyez-vous comment le Saint-Esprit a donc saisi cela pour moi? Amen. Non! Habité. Je pensais qu'il était dit que le, voyez-vous, ce qu'il y a dans Malachie 3, c'est j'envoie mon messager devant ma face. C'était Élie. Dans Malachie 4, cela revient encore. Et il est dit, voici j'envoie Élie. Malachie 3, il devait prendre un messager. Envoyé devant la face du Seigneur. C'était Jean. Un messager envoyé devant la face du Seigneur Jésus. C'était Jean. Combien comprennent cela? Levez les doigts. Ok, on évolue, merci. Malachie 4, lorsque c'est Élie vient, immédiatement après ce message, et le reste, et après, c'est la venue du Seigneur, et le renouvellement de la terre. Quand l'Élie de Malachie 4 vient, il va prendre son message et le reste. Après cela, c'est la venue du Seigneur qui dit. Et le renouvellement de la terre. Et vous remarquerez, pour rendre cela clair maintenant, que ce n'est pas. Mais la façon dont le Saint-Esprit a écrit cela, par ce prophète, il a dit, il ramènera d'abord le cœur des pères aux enfants. Il ramènera d'abord le cœur des pères aux enfants. Voyez-vous, c'était la première venue des gens. Il ramènera le cœur des pères. Les anciens, les pères patriarches, au message des enfants, qui formaient la nouvelle génération dès l'époque. Jésus, dans cette génération-là, une telle explication. Quelle école de théologie peut vous la fournir? Au sujet de Malachie 4, c'est une promesse. L'explication de ramener le cœur des frères et dire, c'est-à-dire, il ramènera le cœur des pères. Ce sont les anciens. Les pères patriarche, ramenez ce père-là au message des enfants qui formait la nouvelle génération de l'époque. Et Jésus dans cette génération. Et Élie, l'esprit d'Élie à travers Jean a fait ce travail-là. Pour casser le cœur des pères et ramener ça au message des enfants. La manière dont les pères ont connu Dieu, leur manière de les connaître devait évoluer. Ils devaient connaître Dieu autrement. Ils ont connu Dieu dans un feu de forain, dans une lumière inaccessible. Mais quand Élie vient, c'est pour ramener leur connaissance du Père à Dieu devenu homme. Un Dieu palpable, un Dieu touchable, un Dieu visible dans un corps humain. Et croire que c'est le même Dieu. Amen. Alors que les pères juifs ont été habitués depuis la vie. Les mots Sinaï ne sont pas approchés de Dieu. Dieu était dans le lointain. Moïse seul approché. Tout le reste dans l'éloignement. Si quelqu'un osait approcher, prenez-le-moi. Mais il faut expliquer à ces gens. Et ils ont transmis cette conception de Dieu des hommes. À ceux qui ont le cœur de Dieu. Le vôtre, le Dieu viendra lui-même. Et il vous sauvera. Et il entrera dans son temple. Comme un homme. Le Père, la moto. Amen.